Frank. Come on, one more time, huh? Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de punk sky hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio au CHU 89,1 FM à Ottawa et à Yellowknife dans le grand nord du territoire du Nord-Ouest, au CBR 103,5 FM. Moi je m'appelle Mathieu et comme à tous les semaines, je vais vous faire jouer du punk sky hardcore tout en français. Et cette semaine, bonne émission de planifier. Commencez tout de suite, pas tarder à m'écouter parler. On va continuer, on va commencer avec du Quartier Libre, de leur album un peu juste, le morceau La Grève Générale. La Grève Générale. On va continuer avec ça. Évidemment, je vais me fermer la gueule parce qu'évidemment, je suis pas capable de parler. Voici du Quartier Libre à Sous Pression. Aujourd'hui révolue, le mouvement prolétaire reprendra le dessus. Salut, vous êtes bien sûr et tout évidemment toujours à l'écoute de Sous Pression. On écoutait dans le dernier bloc du Quartier Libre de leur album Un Peu Juste, c'était le morceau La Grève Générale. Du ces gens-là, après ça, dans leur deuxième EP Second Temps, le morceau s'appelle Les Choses en Face, du Capable. Après ça, de leur plus récente EP Société Problème, c'était le morceau Société Problème. Plus que d'Al Chéri avec Pas Toute Ma Tête de leur album Cours ou Crève. Et on vient d'écouter du nouveau de Cartouche. De leur plus récent album, l'album s'appelle Avenir, pas Avenir comme futur, mais qui s'en vient là, à venir. Et ce morceau, c'était le dernier souffle. Je continue comme avant, continue la musique, enfin jouer du Yabasta, ça fait bon longtemps, je pense qu'on a fait jouer du Yabasta à l'émission. Je vais faire jouer un morceau de leur album Toujours Debout, je vais jouer le morceau Espèce Urbaine. Alors voici du Yabasta à Sous Pression. Dans les meilleurs des artistes urbains, les bandes de train, des rues sans fin. Histoire est plus que lire, c'est on a eu la mort. C'est là les poussins, sans savoir. Sur les rives de Bordeaux, les gens sous tombent à l'eau. Plongeons fatal du haut des ponts. Adolescents repêchés les fonds. Et dans les bureaux, un prédateur qui croise sa route et par malheur. Ça va, ça a, et sans pitié, puissant sa poigne. Où fallait toujours se méfier. La batte les crochets, gérer les problèmes du quartier. C'était ton des copains, jamais ce qu'on t'avait besoin. Moi pour tous, tous pour un, c'était la règle des Borgias. Oh, oh, oh, on est tous des Borgias. Oh, oh, toujours des Borgias. Oh, oh, on est tous des Borgias. Oh, oh, toujours des Borgias. Salut, vous êtes toujours à l'écoute là, de Sous Pression. On écoutait dans le dernier bloc du Hors Control de leur album Vaut Rien. C'est de le morceau Vaut Rien du Prowlers. Avant ça, d'un EP qui sortira bientôt. L'EP s'appelle Serial Pousseur, Céréales Pousseur. Le morceau qu'on a écouté s'appelle aussi Céréales Pousseur, The Prowlers, groupe de Montréal. C'est un EP entièrement en français, apparemment. Bon premier morceau, premier extrait de leur EP. Du Impact avant ça avec le morceau Terroriste de l'album Légende Urbaine. Et on a commencé avec du Yabasta de leur album Toujours Debout. C'était le morceau Espèce Urbaine. Et là, on est rendu à mi-chemin de l'émission. Je dis à toutes les semaines, si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com. Et si vous écoutez déjà à partir du site web, là, vous êtes fantastique, merveilleux, merci. On a une présence sur Facebook, facebook.com/souspression. Alors, cliquez j'aime sur la page Facebook pour venir à jour avec ce qui se passe dans le monde de l'émission ou aussi du punk du Kaiserkopf francophone. Et bien sûr, si vous voulez m'envoyer un message un peu plus direct par courriel, c'est info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Envoyez-moi un message, de la musique, n'importe quoi. Là. C'est toujours plaisir de recevoir des courriels. Et là, on va continuer la musique. Moment de laisser le bloc sono mondial. Là. C'est le moment où je joue des chansons par des groupes à l'extérieur des mondes anglophones et francophones ou qui chantent dans des langues à part. Autre que l'anglais ou le français. Je dis autre que l'anglais ou le français parce que le Canada a les deux langues officielles, anglais et français. Alors, c'est un peu. C'est le bloc moment internationaliste de l'émission, disons. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de l'Espagne. Le groupe s'appelle Accidente. Je vais faire jouer deux morceaux de leur album Pulso. Je vais faire jouer le morceau Pulso et le morceau Vuestra Voz. Vraiment, vraiment bon groupe. Bonne musique. Je suis certain que vous allez aimer ça, alors c'est pour ça que je ne vais pas jouer ça, du Accidente, ici à Sous Pression. ¡Suscríbete! C'était Accidenté avec Pulso et Wes Trabo. Se continue maintenant avec du Lorelai et le morceau Les Mains dans le cambouis. Respirant en descendant, n'en crois rien. grandes choses qu'on a fait. J'ai rien oublié. Les temps ont changé. Les amitiés perdues par la mort des idées. Whoa! donnerai pas ma vie en refusant de regarder le temps qui s'efface en terrant ma liberté. Maintenant je suis seul, j'ai un flingue sur la gueule. Les sombres s'égrènent avant de resserrer mes chaînes. En face de moi un miroir, et j'y vois se jouer ma propre histoire. Quand tu étais là avant moi, la mort le serre dans ses bras. Combien d'enfants ont laissé ici qui en est la foi? Pour la paix, pour la paix, pour la paix. Le son qui résonne, l'impact détonne. Les mots faisant s'éteignent et enfin libère mes chaînes. Je cherche un dernier rêveur à pouvoir polir tous mes remords. Si je me couche, il se lève, rien n'étouffe pas la volette. Pour la mémoire et la vie de nos plus jeunes frères. Pour nos frères, pour nos frères, pour nos frères. Salut, on vient d'écouter du Scott's and Panic People. De leur album Lâcher les bombes, c'était le morceau Pour nos frères, du Monoxyde avant ça, leur morceau L'ombre du passé. Ashigan avec Parvenu de l'album La société du mépris. Du 8-6 Crew de leur plus récent album Working Class Reggae, on écoutait le morceau Rien à prouver. Du Rancor avant ça avec Grand Brûlé, Genève Saint-Patrick avec Clocher de leur album L'arme au poing. Et on a commencé le dernier bloc avec du Lorelei, le morceau Les mains dans le cambouis de leur album Déferlante. Alors j'ai le temps de vous laisser avec un dernier morceau avant de vous quitter pour la semaine. Je pense que je vais pas jouer cette semaine, on va terminer avec un morceau de l'affaire Pélican. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai fait jouer. Le groupe québécois a sorti un EP au début de 2017. L'EP s'appelle Le Moins Pire. Je vais faire jouer cette semaine le morceau Carte sur la table. Alors, je vais vous laisser avec ça. Passez une excellente semaine. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Voici l'affaire Pélican.